et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait ce qu'il y a auprès de moi que ce que diminuerait une aiguille plongée dans l'océan. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous, en vue de vous en rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. Ce hadith, chers musulmans et musulmanes, fait certainement partie des hadiths divins les plus nobles rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith divin, appelé en arabe al-hadith al-Qudsi, du terme al-Quds en arabe qui signifie la purification, l'exemption, c'est donc un caractère majestueux et honorifique qui est donné à ce type de hadith. Dans ce hadith, comme vous avez pu l'entendre, le sujet principal tourne autour de la richesse absolue de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et de cette dépendance que les serviteurs ont à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith débute par l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs. Et cela nous montre la proximité d'Allah avec les croyants. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous interpelle, cela suscite la quiétude dans le cœur des croyants. Cet appel d'Allah azza wa jal, ô mes serviteurs, nous prouve également que l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les serviteurs d'Allah. Quant aux croyants, ce sont les serviteurs d'Allah qui ont répondu à son appel, qui mettent en application ses ordres et s'abstiennent de ses interdits. Quant à ceux qui ont mécru, ils rentrent dans la servitude malgré eux. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abada. Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le Tout Miséricordieux en serviteurs. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle en disant « Ô mes serviteurs », cela prouve l'importance de ce qui va suivre cet appel. Car le but de l'appel est bien d'interpeller, et le croyant prête oreille à ce qui sera dit après cet appel. De surcroît, lorsque cet appel émane du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve que l'injustice est interdite sous toutes ses formes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait être injuste car il est le juste par excellence, subhanahu wa ta'ala. Il dit « Wa ma ana bidhallamin lil'abid » Je n'opprime nullement mes serviteurs. Et il dit Azza wa Jal dans son noble livre « Wa ma Allahu yuridu dhulman lil'ibad » Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Et il dit Azza wa Jal « Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a » Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Cette injustice qui est également interdite dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le serment d'adieu qu'a prononcé le prophète alayhi salatu wa sallam lors de son pèlerinage d'adieu, parmi ses paroles alayhi salatu wa sallam, « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ Vos sangs, vos biens, vos honneurs sont sacrés comme la sacralité de ce jour-ci, qui était le jour de Arafat. Dans cette ville-ci, qui était la Mecque, la terre sacrée d'Allah Azza wa Jal, fi shahrikum hadha, dans ce mois-ci, qui est le mois de Dhul-Hijjah, un mois parmi les mois du pèlerinage, et également parmi les mois sacrés. Et vous rencontrerez votre Seigneur, qui certainement vous questionnera sur ce que vous avez accompli. Dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns les autres. Allah Azza wa Jal ici est exempt de toute forme d'injustice. Car comme je l'ai dit, il est le juste par excellence. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal possède l'ensemble de l'univers. Il l'administre à sa guise. Subhanahu wa ta'ala. Il donne à qui il veut, conformément à sa bonté et à sa générosité, et il prive qui il veut, conformément à sa justice. Tous ses commandements, subhanahu wa ta'ala, renferment des sagesses. Allah ne saurait châtier quelqu'un sans commettre de faute, de même qu'il ne saurait faire porter à une personne le fardeau d'autrui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Allah tazir wa ziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Allah Azza wa Jal ainsi éprouve ses serviteurs par sagesse et dans leur intérêt. Parmi les intérêts de l'épreuve, l'absolution des péchés, l'élévation en degré, le fait qu'Allah Azza wa Jal, par l'épreuve, guide celui qui s'est détourné de lui, subhanah. Allah Azza wa Jal donne par sagesse, il prive par sagesse, il éprouve par sagesse. Allah Azza wa Jal, comme il le dit, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est point interrogé sur ce qu'il fait, alors que les hommes, eux, devront rendre des comptes. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me suis interdit l'injustice. Il y a la preuve formelle que l'injustice est interdite sous toutes ses formes. Car c'est un acte répugnant qui ne fait que provoquer conflit et animosité entre les musulmans. L'injustice ne comporte donc aucun intérêt et son interdiction est une interdiction absolue. Allah Azza wa Jal a dit « Innahu la yuflihu al-zalimun » et il dit subhanahu wa ta'ala « Inna Allaha la yahdi al-qawm al-zalimin » Les injustes ne sauraient trouver le succès. Et dans l'autre verset, il dit Azza wa Jal, Allah ne guide point le peuple des injustes. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Vous remarquerez et on notera la répétition des termes interdit et injustice. Je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite. Allah Azza wa Jal a réitéré le mot interdit. De même qu'il a réitéré le mot injustice. Je me suis interdit l'injustice. Ne soyez donc pas injustes. Et cette répétition, émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous montre à quel point l'injustice est prohibée en islam. L'injustice est de trois sortes. La première est la plus grave. Et le fait de mettre au même niveau le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le droit de ses créatures, en associant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit « Inna shirka la zulmun azim » Le polythéisme est une injustice immense. Une injustice telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas. Celui qui la commet résidera éternellement en enfer, sauf s'il se repent avant sa mort. Le polythéisme a été caractérisé et appelé dans ce verset l'injustice, car cet associateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour qu'il l'adore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, cet associateur s'est rabaissé de façon méprisante au point d'adorer une créature vile qui ne peut ni apporter un bien ni repousser un mal. Cet associateur qui a opposé la bienfaisance de son Seigneur subhanahu wa ta'ala à son égard par un manque de respect incroyable en reniant le droit exclusif d'Allah d'être adoré. La deuxième forme d'injustice, l'injustice de la personne envers soi-même, lorsqu'elle accomplit des péchés grands et petits et lorsqu'elle commet des manquements en face à ses obligations. Il dit subhanahu wa ta'ala « وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » Quiconque transgresse les limites d'Allah se fait du tort à lui-même. Et cette injustice est placée sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il désire pardonner, il pardonnera par sa miséricorde. Et s'il le désire subhanahu wa ta'ala, il châtiera cette personne par justice. La troisième forme d'injustice est l'injustice qui consiste à abuser des biens des personnes, d'écouler leur sang, de bafouer leur honneur, de transgresser leurs droits. Et cette injustice, Allah subhanahu wa ta'ala ne la laissera jamais impunie. Allah azza wa jal réparera cette injustice de façon certaine le jour du jugement. Sauf si le transgresseur répare son injustice et se rend chez le transgressé afin de réparer son injustice. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, « Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min shay, falyatahallalhu minhu liyawm, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. » Celui qui a commis une injustice à l'égard de son frère, que ce soit dans son honneur ou autre chose, qu'il la répare aujourd'hui, avant que ni les pièces d'or ni les pièces d'argent ne puissent lui être profitables. Et s'il a à son compte des bonnes actions, elles seront prises proportionnellement à son injustice. Et s'il n'a pas à son actif de bonnes actions, alors on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui faire porter. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les transgresseurs en disant Azza wa Jal, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Les transgresseurs connaîtront bientôt le sort qui leur est réservé. Puis dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Allah Azza wa Jal a réitéré son appel, ô mes serviteurs. Et dans ce hadith, Allah Azza wa Jal a réitéré à 9 reprises cet appel. Ceci nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est clément, miséricordieux et compatissant envers ses serviteurs. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord cité l'égarement et la guidée avant d'avoir cité la faim, la nourriture, la nudité et les vêtements. Il a dit vous êtes tous égarés sauf celui que je guide. Avant de dire « Vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris », avant de dire « Vous êtes tous nus sauf ceux que je vêtis », ceci car Allah Azza wa Jal a commencé par citer la chose la plus importante. Ainsi l'égarement est plus grave que la faim et la nudité, comme la guidée est plus importante que de se nourrir et de se vêtir. Ceci doit nous faire prendre conscience de l'importance que l'on doit accorder à la guidée. On doit accorder à la guidée une importance plus grande que celle que l'on accorde au fait de boire, de manger et de se vêtir. De même que nous devons percevoir le danger de l'égarement comme étant plus grave que le danger d'avoir faim et d'être nu. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve également que l'ensemble des serviteurs sont égarés et qu'il ne leur est pas possible de connaître les voies de la guidée de leur propre chef. Quelle que soit l'intelligence qu'ils ont, quels que soient les moyens qu'ils puissent apporter, ils ne peuvent être guidés que à travers la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit subhanahu, « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ » Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui. Allah Azza wa Jal nous a donc légiféré de lui demander la guider dans chacune de nos prières en disant « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le chemin droit ». Et ainsi était le prophète alayhi salat wa salam. Il invoquait souvent en disant « Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina » « Oh Allah !» Je te demande la guidée, la piété, la richesse et la pureté. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve que la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est à lui qu'elle se demande. Et c'est de lui que nous implorons l'aide pour l'atteindre. Celui donc qui recherche la guidée, il doit se tourner vers celui qui la détient, subhanahu wa ta'ala. Et en matière de guidée, le serviteur ne doit pas s'en remettre à lui-même ou être dupé par quelques qualités qu'il possède. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Demandez-moi donc de vous guider. Demandez-moi donc de vous guider. » Allah azza wa jalla s'est donc attribué la guider. C'est donc à lui qu'on la demande et c'est lui qui l'accorde. Il y a toutefois un certain nombre de causes qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre, permettent, par la grâce d'Allah et son aide, d'atteindre la guider. Parmi ces causes, tout d'abord, la croyance en Allah Azza wa Jal, comme l'a dit Subhanah, « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ » Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Parmi les causes pour obtenir la guidée, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Également, le fait d'accomplir les actes obligatoires et être assidu dans l'accomplissement des actes recommandés. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et ne craignent qu'Allah. Ceux-là sont les bien guidés. Parmi les causes également, le fait d'apprendre la science religieuse et de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui emprunte une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Également la mise en application de cette science. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Alors, nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense et nous les aurions guidés vers un droit chemin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que je vêtis. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve que l'ensemble des serviteurs sont dépendants d'Allah Azza wa Jal dans l'ensemble de leurs besoins. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les enrichit. C'est Allah Azza wa Jal qui leur accorde leur pourvoyance. C'est lui qui les vêtit, c'est lui qui les protège. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend en charge l'ensemble de leurs besoins. Et si Allah Azza wa Jal ne les avait pas guidés et ne leur avait pas montré les moyens qui leur permettaient d'obtenir leur subsistance, sans aucun doute, ses serviteurs périraient et disparaîtraient. Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. » Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Seul Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Et il dit subhanahu wa ta'ala, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. La miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut la dispenser. Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul capable de guider, le seul qui donne la vie, le seul qui donne la mort, le seul qui administre l'ensemble des besoins de ses serviteurs, le seul qui pardonne leurs péchés, et bien pour tout cela et pour bien d'autres choses, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Il dit Azza wa Jal, dans ce verset extrêmement beau et immense, Allahu alladhi khalaqakum, thumma razaqakum, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir. Puis, il vous redonnera vie. Y a-t-il un seul de ceux que vous lui associez qui accomplisse quoi que ce soit de tout cela? Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Le croyant qui a à l'esprit tous ses sens ne peut qu'adresser ses besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut que restreindre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il ne peut qu'avoir le bon soupçon envers son créateur subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissant. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris, vous êtes tous nus sauf ceux que je vêtis. Cela nous montre la réalité des êtres humains qui nous entourent. Ils sont tous égarés sauf ceux qu'Allah a guidés. Ils sont tous affamés sauf ceux qu'Allah a nourris. Ils sont tous nus sauf ceux qu'Allah a vêtis. Cela nous montre le degré d'attachement que l'on doit avoir à l'égard de ces gens. Lorsque l'on souhaite obtenir ce dont nous avons besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parole, nous ordonne de l'invoquer et nous promet l'exaucement. Vous êtes tous égarés, sauf ceux que je guide. Demandez-moi donc la guider, je vous guiderai. Allah azawajal nous ordonne donc de l'invoquer et il nous promet l'exaucement. Celui qui médite également sur ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, chassera l'orgueil et la prétention de son cœur. Car, en lisant ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'on se rend compte que l'on ne peut se procurer nos besoins essentiels par nous-mêmes. À quoi bon être prétentieux alors? À quoi bon alors être orgueilleux? Dans cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a précédé la nourriture avant les vêtements. Car l'être humain peut patienter face à la nudité. En revanche, il lui est extrêmement difficile de patienter face à la faim. Dans ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azawajal a cité les choses auxquelles les gens sont les plus attachés. La nourriture, la boisson, les vêtements. Il a cité également ces choses qui, lorsque l'on en est privé, deviennent extrêmement préjudiciables. Autrement, toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les donne comme il les prive subhanahu wa ta'ala. Puis il dit subhanahu wa ta'ala dans ce hadith divin: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Ces paroles nous montrent une réalité qui est que nous commettons des péchés, que nous commettons des manquements à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, quel que soit notre degré de science, et ceci, quel que soit notre dévouement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Allah azawajal aime ceux qui se repentent. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith divin nous montre également à quel point nos erreurs sont nombreuses. Lorsqu'il dit subhanahu, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve et la démonstration que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose et que rien ne lui échappe. Car Allah azawajal sait lorsque chacun d'entre nous lui désobéit de jour comme de nuit. Dans cette parole d'Allah Azzawajal, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Cela inculque dans le cœur du croyant qu'Allah l'observe, qu'Allah le surveille, même quand ce serviteur lui désobéit. Dans cette parole d'Allah Azzawajal, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Il y a la démonstration de la douceur et de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui voit ses serviteurs lui désobéir. Mais malgré cela, ils ne précipitent pas ni leur punition ni leur châtiment. Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve que personne n'est exempt des erreurs. Que le croyant, il lui est demandé de s'abstenir des péchés. Et il lui est demandé de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas persévérer dans ses péchés. De s'empresser à se repentir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit. Lorsque ce serviteur est pris de faiblesse, lorsqu'il est amené à obéir au diable, il doit cacher son péché et ne pas le montrer au grand jour, car le fait de le montrer au grand jour peut être considéré comme quelqu'un qui minimise le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui commet ses péchés au grand jour incite également les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté peut être graciée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés. Et se dévoiler C'est-à-dire dévoiler les péchés consiste, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce que le serviteur se livre à une désobéissance la nuit. Puis dit le matin, alors que son seigneur l'a couvert, « Ô un tel, j'ai fait ceci et cela hier soir. » Pourtant, il a passé la nuit étant couvert par son seigneur, subhanahu wa ta'ala, et au matin, le voilà qui ôte le voile d'Allah qui était pourtant sur lui. Dans ce hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à lui demander pardon. Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Et ces incitations, voire ces ordres de se repentir sont nombreux dans le livre d'Allah azza wa jal. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Allah Azza wa Jal dit, « Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. » Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont nombreux, nous incitant à demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Des hadiths qui nous montrent que le pardon efface les péchés et que le repentir abolit ce qui le précède. Parmi ces hadiths, pour n'en citer qu'un, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Walladhi nafsi biyadeh » par celui qui détient mon âme dans sa main, « si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait exterminé et aurait apporté un peuple qui lui désobéirait, puis qui lui demanderait le pardon, puis Allah leur pardonnera. » Nous devons donc multiplier les demandes de pardon à Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit et ne pas faire partie de ces insouciants qui, à la fois désobéissent à Allah Azza wa Jal, se détournent du repentir et s'accrochent à des espoirs mensongers, en espérant la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant persuadés d'avoir la garantie qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne ses péchés, d'espérer de se repentir le mois prochain, l'année prochaine, le jour prochain. Tout ceci sont des espérances mensongères qui ont pour conséquence que cet insouciant persiste dans sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole d'Allah azza wa jal, car c'est moi qui pardonne tous les péchés, il y a ici une preuve qu'il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, même le polythéisme, lorsque la personne s'en repent de son vivant. Puis Allah azza wa jal dit dans ce hadith divin, « Ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de me nuire, et vous n'atteindrez jamais une capacité d'utilité au point de m'être utile. » Dans ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'Allah azza wa jal se suffit à lui-même et qu'il est le digne de louange. Sa richesse est absolue et sa louange est parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal se passe de l'ensemble de ses créatures. Ainsi, la désobéissance des désobéissants ne cause aucun tort à Allah Azza wa Jal. De même que l'obéissance des pieux n'apporte aucun bénéfice à Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs d'Allah, quels que soient leurs agissements, bons ou mauvais, n'atteignent en rien Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanah, « وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا » Et si vous ne croyez pas, il se passe de vous, car c'est à Allah qu'appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah Azza wa Jal nous montre cela afin que l'ignorant ne se fasse pas d'illusions quant au fait qu'Allah Azza wa Jal aurait besoin de quelqu'un. Le serviteur, lorsqu'il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, cette obéissance, il ne la fait que dans son propre intérêt. Et lorsqu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui désobéit à son propre détriment. Allah Azza wa Jal l'appelle toutefois à l'adorer et à lui obéir, afin de le faire entrer au paradis. Et il lui interdit sa désobéissance, afin de l'épargner de l'enfer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avait le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avait le cœur de l'homme le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. » Dans ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la démonstration de l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus vaste que les cieux et les terres et ce qu'elles contiennent. Personne, peu importe son niveau de connaissance, ne peut cerner le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, plus il accroît en science et plus son ignorance au sujet du royaume d'Allah augmente. Et les récentes découvertes scientifiques ne font que démontrer cette réalité manifeste. Parce que le royaume d'Allah azawajal est complet et immense, eh bien, la piété de tous les habitants sur terre n'y ajouterait rien. De la même façon, toutes les turpitudes, même commises par l'ensemble des habitants sur terre, ne sauraient diminuer le royaume d'Allah, de même qu'elles ne sauraient causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azawajal a la richesse absolue. Et dans la parole d'Allah azawajal, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Il y a la preuve que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala a atteint son apogée dans l'immensité, de telle sorte que rien ne peut y être ajouté. Et dans la parole d'Allah, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Le terme « rien », un nom défini, cité dans un contexte de négation, signifie quelle que soit cette chose, aussi minuscule soit-elle, elle ne peut en rien ajouter au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit subhanahu dans ce verset, dans ce hadith, « Divin, ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, se réunissaient tous dans une même terre pour me solliciter et que je donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait ce qu'il y a auprès de moi que ce que diminuerait une aiguille plongée dans l'océan. » Ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala nous montrent la puissance et la capacité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'elles nous montrent que les trésors du royaume d'Allah azawajal ne s'épuisent pas, peu importe la multitude des demandes et la multitude des dons. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » Il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il sait où elle trouve refuge et où elle mourra. Tout ceci est consigné dans un livre explicite. Ainsi, si l'ensemble des créatures étaient réunies dans un seul et même endroit et que toutes ces créatures demandaient à Allah azawajal, et qu'Allah azawajal donnait à chacun ce qu'il lui a demandé, cela ne diminuerait en rien les trésors du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, que comme une aiguille plongée dans l'océan diminuerait de cet océan. Or, vous savez tous qu'une aiguille plongée dans l'océan ne diminue rien de cet océan. Notez comment toutes ces personnes qui demandent et qui se sont réunies dans un seul et même endroit et qui ont demandé au même moment. Méditez également comment toutes ces personnes ont demandé des demandes qui sont toutes différentes les unes des autres. À travers ces détails, Allah veut nous montrer à quel point ses trésors ne s'épuisent pas et qu'il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Car il est plus simple de répondre à des demandes lorsqu'elles sont éparpillées, lorsqu'elles ne sont pas dans un seul et même endroit. Il est plus facile de répondre à des demandes lorsqu'elles sont adressées à des moments différents. Et il est plus facile de répondre à des demandes lorsqu'elles se ressemblent. Plus elles se ressemblent, plus il est facile d'y répondre. Ici, Allah azawajal nous a donné l'exemple de ces personnes, de toutes les créatures, qui se réunissent dans un seul et même endroit et qui demandent en même temps chacun une demande différente. Allah Azza wa Jal accorde à chacun ce qui lui a demandé. Et malgré cela, cela ne réduit ni ne diminue en rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a ici fait la comparaison entre ce qu'il donne à ces personnes et ce qu'il possède. Il a comparé ce qu'il donne à toutes ces personnes à cette aiguille plongée dans l'océan et ce qui est diminué de cet océan. Et il a comparé son royaume à ces océans. Or, bien sûr, le royaume d'Allah Azza wa Jal est bien plus immense que tous ces océans. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné lorsque nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire des demandes qui sont conséquentes. Il dit alayhi salatu wa salam, lorsque l'un d'entre vous demande et invoque Allah Azza wa Jal, qu'il ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu le souhaites », mais qu'il soit ferme dans sa demande et qu'il demande ce qu'il y a de plus conséquent. « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٍ » Car Allah ne considère aucune demande trop grande. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans ce hadith divin, « Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous en vue de vous en rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. » Dans ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il recense et qu'il consigne les œuvres de ses serviteurs et qu'il leur présentera le jour du jugement et qu'Allah Azza wa Jal le jour dernier pèsera leurs actions, les bonnes comme les mauvaises. Puis il les jugera et soit ils entreront au paradis, soit ils entreront en enfer. Allah Azza wa Jal a dit « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ » Le jour où Allah les ressuscitera, le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de tous leurs agissements. Allah aura recensé leurs actes et eux les auront oubliés. Et il dit Azza wa Jal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Quiconque aura accompli le bien, fût-ce le poids d'une fourmi, le verra, et quiconque aura accompli le mal, fût-ce le poids d'une fourmi, le verra. Lorsque le croyant a cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jugera et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera le jour du jugement, cela doit l'amener à ce qu'il s'empresse à juger sa personne ici-bas avant qu'il ne le soit dans l'au-delà. Cela doit l'amener à s'efforcer de multiplier les demandes de pardon à Allah Azza wa Jal, de multiplier les bonnes œuvres et de se débarrasser de ces grands péchés qui pourraient le faire entrer en enfer. Wal'iyadu billah. Comme l'a dit Omar radiyallahu anhu, Al-Farouq, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez vos personnes avant qu'elles ne soient jugées. Wazinouha qabla an tuzanu. Et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. Celui donc qui fait le jugement de sa propre personne, puis constate qu'il est sur le droit chemin, que ses agissements sont conformes à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il accomplit les ordres et s'abstient des interdits, qu'il est obéissant à Allah azza wa jal de façon apparente comme de façon cachée, alors qu'il remercie Allah azza wa jal et qu'il lui soit reconnaissant de l'avoir guidé et de lui avoir permis d'être droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela n'aurait pu avoir lieu sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah azza wa jal, قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Ils disent louange à Allah qui nous a guidés vers cela, et nous ne saurions être guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Quant à celui qui a constaté après avoir fait le jugement de sa personne qu'il manque à ses devoirs, qu'il commet des péchés avec outrance, qu'il est noyé par les plaisirs et les tentations, qu'il s'est détourné du chemin de l'obéissance à Allah Azzawajal, préférant répondre à l'appel de Shaytan, que cette personne exhorte son nafs, qu'elle la blâme, qu'elle la réprimande, puis qu'elle s'empresse et qu'elle accourt vers le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle accomplisse les bonnes œuvres, et surtout qu'elle ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, « Ul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. » Ô vous mes serviteurs, qui avez causé du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est celui qui pardonne et celui qui est miséricordieux. Ainsi nos pieux prédécesseurs redoublaient d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas avant qu'ils ne soient pris de regrets dans l'au-delà. Et la parole d'Allah Azzawajal dans ce hadith divin, « Quiconque trouve un bien, qu'il loue Allah. » Dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve que nous rentrerons au paradis, incha'Allahu ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde, et aucunement grâce à nos actes et à nos œuvres. Les actes des serviteurs et leurs œuvres ne sauraient les faire entrer au paradis. Les croyants entreront bel et bien par la grâce d'Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Muslim dans son sahih, لن يدخل أحد أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Il dit عليه الصلاة والسلام, personne d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses actions. Ils ont dit, même toi, ô envoyé d'Allah. Il a répondu, même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Voici, mes chers frères et sœurs, ce hadith divin, connu comme le hadith divin « Ô mes serviteurs », comme vous l'avez constaté, un hadith divin extrêmement important, extrêmement honorifique, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, nous exhorte, nous ordonne, nous encourage, nous interdit, un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala montre toute sa compassion, toute la compassion qu'il a envers ses serviteurs. À nous, après avoir prêté oreille à ses paroles divines, d'en méditer les sens et de tourner une nouvelle page de notre existence en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère et en accourant vers tout ce qui provoque sa satisfaction. Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.